fétiche. Ouais, joue de sa voix pour montrer son style. Comme sur des skis en haut de sa voix. Rien de vaut mon crew. Cache ma face des garces, des fous. Ouais, fou la merde avec mes ambiances tranches et le tout. Ouais, là dans l'ombre. Siège juste près de ton berceau, on te sert des ondes et inonde ta maison comme des berceaux. Je rêve d'un succès discret et côtoyer Denise Richards d'un peu plus près. Mate mon blaze et ceux de mes partenaires. Rêve de guider un bloc comme des cartes mères. Mon flow lira les foules comme des partous dans un appart de l'air de rien. Je bosse dur, rose dur tant que je peux les micros. Si j'insulte, regrette jamais quand j'en ai mis trop. Aussitôt prêt, aussitôt pris dans ma toile. Voile naze effrayé comme en mer, seul sur sa voile. Mais l'esclave se voit le poil à la face, non gars. Jure sur ton cul que tu te souviendras de notre nom. Je crois que il est temps que Bonnie fasse son putain de bénéf. Faire péter les bacs, faire kiffer les meufs comme Bennett. C'est du Bonifacio, monte les crimes, rime si haut. Maintenant facio, l'esclave haut de gamme si haut. C'est clair qu'on va faire du bruit dans le brouhaha. C'est le fest à la foutre, le boucan plus que l'affaire Festina. Trois groupies qui montent la grappe au trap, on croit se vendre. Grimpe forme une grappe dans le monde du rap, on croit défendre et on se débrouille, gars. Même mon pote et c'est qu'on fait des dégâts. Et le esclave sort de l'ombre et non des ondes. Sur la force du crew, les wacks succombent. Laisse crâner les mêmes gens cramés, cramés qui se camés. Laisse les traces, les trahisons des gens dépravés. On prouve que on fait notre produit. Y'a pas de fuite, mec. On sait que on a des ennuis. On se débrouille, mec, mec. On se débrouille, mec, ouais, mec. Toujours les mêmes merdes dans les mêmes seufs. Ouais, suffit de jouer les victimes. Ouais, black, mon rap se fait là. Classe les faces faites par mon style, par mes filons et par mes qui on se débrouille. Laisse classique, on crache. C'est au moins ce qu'on veut, ce qu'on peut. Je peine à rester concentré et niquer ce qu'on veut. Mais je peux plus rester dans le silo, j'ai la rage. Je pars en couille, mec, mais guette mon rapport de mensage. Sur les gosses, non, je me tairai pas. Je puis les voir struire, plus s'enfuir. Pour rejoindre les anges, non, les gens changent. Ils ferment les yeux pour se rassurer. Mais lorsque les choses se corsent, plus de force, on se débrouille pour rester ici. La misère pour tous et la richesse, cette chaîne pour la vie, pour tous. Chacun sa haine, la mienne pour l'injustice de vivre où je suis. Là dans ce monde où l'homme se rend esclave lui-même. Là où il se tue, là où tu dois te débrouiller pour rester toi-même. L'âme humaine, vent se lâche. Tu sais, l'esclave, c'est pas qu'un joli nom. C'est aussi notre situation. Mais on se débrouille, on se débrouille, on se débrouille, ça tu sais.